Snitches. I try again. I know. I try. Just feel better. Les amis sont partis. Simplifié, je dirais love. Excuse-moi, je vais pisser, je reviens. C'est bien comme tu tiens ta ligne. Comment tu tiens ta ligne? Comment tu Give me 2 minutes. Give me 2 minutes. Give me 2 minutes. Just. Give me 2 minutes. Yes. Go on, go on. My brother. Oh yeah. no more tea. Do more day.